cours numéro 4. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen, wa salatu wa salam, ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فاعلم أن هذه الكلمة نفي وإثبات. Le dars précédent, Cheikh al-Islam il a cité certaines conditions pour argumenter, pour prouver que هذه الكلمة, le but ce n'est pas que de la prononcer. Les hypocrites ils l'ont prononcée et elle ne leur sera d'aucune utilité يوم القيامة. Donc ça montre أن هذه الكلمة العظيمة لها قيود وشروط, des conditions, la sincérité, la véracité, l'amour, la soumission, etc. On a déjà étudié plusieurs fois et on a lu كلام شيخ الفوزان باختصار ولله الحمد. On a lu son كلام et son كلام il était باختصار par rapport à ces conditions. ثم في هذه الكلمة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله il a précisé أن هذه الكلمة نفي وإثبات. Ça, c'est les deux piliers de cette kalima. Donc, le sens, c'est la ma'bouda. Haqqun. Ba'd al-ulama yaqulun bihaq ilallah. Personne ne mérite d'être adoré, sauf Allah Azza wa Jalla. Ça, c'est le sens. Les conditions, taqaddamat ma'ana. Ilmun yaqinun ikhlasun. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidqu kama'. Mahabbatin wa qiyadin wa al-qabool ilaha. Ce vers de poésie, il est très simple à apprendre. Et si tu l'apprends par cœur, tu connaîtras les conditions. Et بعض العلماء ils ont rajouté وزيد الثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أوليها الكفر بالطاغوت. Donc on a le sens et on a les conditions. كذلك هذه الكلمة est fondée sur deux piliers. النفي والإثبات. قال الشيخ الفوزان هذه الكلمة لها ركنان هما نفي وإثبات فلا يكفي النفي ولا يكفي الإثبات بل لابد من الاثنين مقترنين. Donc, il faut absolument les deux. La ilaha illallah. قال كما قال تعالى فما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. ما قال يكفر بالطاغوت فقط. بل قال ويؤمن بالله. ولا قال من يؤمن بالله ولم يذكر الكفر بالطاغوت. لابد من الاثنين. Donc, il faut absolument les deux. النفي والإثبات. والتوحيد. التوحيد. لابد. من نفي وإثبات. Pourquoi التوحيد. Cheikh Ibn Uthaymeen, dans plusieurs de ses dorus, il cite un exemple pour nous faciliter هذا. Un exemple qui n'a rien à voir avec الشهادة. مثلاً, si tu dis محمد في المسجد, هذا إثبات. إثبات, ça veut dire quoi? C'est une affirmation. Tu affirmes que محمد il est dans le masjid. On te demande أين محمد? Tu dis محمد في المسجد. إثبات. Est-ce que ça veut dire que محمد il est seul dans le masjid là. Donc c'est pas du tawhid. C'est pas du tawhid. Aïma wa hatta Muhammad fil masjid. Muhammad il est pas seul dans le masjid. Pourquoi? Parce que la phrase qu'on a formulée c'est que du ithbat. Na'am, Muhammad fil masjid. Al-ithbat, yaqulun la yamna' al-musharaka. Quand on dit Muhammad est dans le masjid, ça veut pas dire qu'il est seul. Muhammad il est au masjid et kadalik Abdullah, Abdurrahman, Abdulaziz, etc. Rubama des milliers de musulmans dans ce masjid. هذا اولا par rapport à l'ithbat tout seul. Si on dit la ahad fi al-masjid, il n'y a personne fi al-masjid, ça c'est du nafi. Nafayna wujud shakhsin fi al-masjid. Donc il y a personne fi al-masjid. Ça c'est du nafi. Donc an-nafi seul, an-nafi al-mahd c'est du adam. Le fait de faire du nafi tout seul, c'est al-adam, c'est quelque chose qui n'existe pas. On revient à la shahada al-an, si tu as compris ses bases niveau langue arabe. Quand on dit la ilaha, c'est du nafi. Ça veut dire quoi la ilaha? Ça veut dire nafi al-uluhiyya. Al-uluhiyya, ça veut dire quoi? Ça veut dire al-ladhi yu'bad, celui qui est adoré. Donc si on dit la ilaha et on s'arrête là, c'est très très grave. Ça veut dire que personne ne mérite d'être adoré. Et hada, c'est grave. Si on dit, on fait du ithbat tout seul, on dit Allah yu'bad, Allah est adoré. Il y a d'autres choses qui sont adorées. Maintenant, les croyants, ils adorent Allah. Et certains, ils adorent des vaches, des arbres, des morts, etc. Pour At-Tawhid, il faut forcément les deux. Nafyun wa ithbat. Quand on dit la ilaha, et personne ne mérite d'être adoré. Nafyu al-ubudiyya wal-uluhiyya. Quand on dit illallah, ithbatuha lillahi wahda. Donc ce nafi plus ce ithbat, ça donne At-Tawhid. C'est pour ça que l'ulama قالوا لا إله إلا الله. C'est quoi le sens? أي لا يستحق العبودية أحد إلا الله. C'est ça le tawhid. Personne ne mérite l'adoration sauf Allah. Ça fait sortir tous ceux qui sont adorés min دون الله. فلهذا قال الشيخ الفوزان. On reprend الآن, ou plutôt المتن. قال إذا فهمت ذلك فتأمل الألوهية التي أثبتها الله تعالى لنفسه ونفاها عن محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل وغيرهما يكون لهم منها مثقال حبة من خردل. Si tu as compris هذا, فالله سبحانه وتعالى نفى الألوهية عن المخلوق. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى الذي لا إله فاعلم أنه لا إله personne ne mérite d'être adoré sauf Allah. Ça montre que l'adoration c'est حق الله, il n'y a que Allah qui mérite l'adoration, et autre qu'Allah il ne mérite pas l'adoration, même si c'est un ange ou un prophète. فلهذا شيخ الإسلام il a cité notre prophète Muhammad عليه الصلاة والسلام أفضل الرسل, le meilleur des messagers, le meilleur des êtres humains, et il a cité Jibril عليه السلام, le meilleur des anges. Malgré le haut rang que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il a, et كذلك Jibril alayhi salam, malgré cela, il ne mérite en rien l'adoration. قال أن يكون لهم منها مثقال حبة من خردل. Ça c'est une mesure infiniment petite pour te montrer أن personne n'a le droit à une adoration, même si c'est un ange, même si c'est un messager. قال نعم. Anna, je me suis précipité et j'ai lu la partie du matin. J'ai lu le numéro 11 et on n'a pas fini le numéro 10. Naam, et ça revient, ça se ressemble. À la Koulihal, on reprend le numéro 10. Qala, nafiy al-ilahiyya amma siwa Allah azza wa jalla min al-mursalin hatta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa min al-malaika hatta Jibril fadlan an ghayrihima min al-anbiya wa s-salihin wa ithbatuha lillah azza wa jalla. Donc c'est ça le nafiy al-ithbat, comme on a expliqué, que pour Allah et on n'a pas le droit d'adorer les créatures, même si cette créature elle a un haut rang comme notre prophète Muhammad alayhi salatu salam et Jibril alayhi salam. Qala Cheikh al-Fawzan, نفي الإلهية عن كل ما يعبد من دون الله من المخلوقات ولو كان من أصلح الصالحين فأصلح البشر هو محمد صلى الله عليه وسلم وأصلح الملائكة هو جبريل ومع هذا لو أن أحدا يعبد جبريل أو يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإنه يكون مشركا خالدا في النار. Si on قدره quelqu'un adore Jibril أو un autre adore notre prophète محمد عليه الصلاة والسلام, il fait الصلاة pour notre prophète, il invoque notre prophète, il sacrifie pour notre prophète, toutes ces ibadas, il ne les fait plus pour Allah, il les fait pour le prophète. Comme a dit le Cheikh Al-Fawzan, c'est un mushrik. Et s'il meurt et il ne se repent pas, il ira en enfer éternel. L'ibada, l'annahu, il a adoré autre qu'Allah Azza wa Jal. Ça te connaît, on fait le qa'id al-arba'a. Et c'est une risale à Nafisa. Je conseille tous les frères de la mémoriser par cœur et de l'étudier. Quatre règles avec une introduction. On l'avait enseigné, wallahi alhamd. Avec une fois avec l'explication de Cheikh Al-Fawzan et une autre fois avec l'explication de Cheikh Zayd Al-Madkhali rahimahullah. Quatre règles avec une introduction très très simple. Parmi ces règles, il n'y a aucune différence entre le fait d'adorer une pierre, un arbre ou un messager ou un ange. Ça ne veut pas dire que les adorés sont au même niveau. Personne ne dit que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam il est comme un arbre, na'oudou billah, comme une pierre, na'oudou billah. Lakin, min haith al-ubudiyya, toutes les créatures, elles sont au même niveau. Ça veut dire quoi, Hada? Ça veut dire que c'est des créatures. Elles ne méritent en rien l'ulouhiyya. D'être adoré. Celui qui mérite l'adoration, c'est Allah. Fa matalan, est-ce qu'on a le droit d'adorer un kafir, un mort? On n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que c'est un être humain. Est-ce qu'on a le droit d'adorer le meilleur des êtres humains, le prophète Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam? On n'a pas le droit. Est-ce que ça veut dire qu'on est au même niveau notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec un autre être humain? A'oudou billah. La. Lakin min haith al-ubudiyya annahum, c'est des êtres humains qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala et qui ne méritent pas l'adoration. Na'am. Fa hadha alladhi bayyanahu Cheikh al-Islam, et c'est une ishara huna kadhalik dans cette risala tafsir kalimat at-tawhid. Qala rahimahullah, لأن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد لا من الملائكة ولا من الأنبياء ولا من الصالحين ولا من الأشجار ولا من الأحجار. ولهذا يقول ولا يشرك بعبادة ربه أحد. أحدا هذا عام. En langue arabe, le mot أحد, il est نكرة. أحد, il est نكرة. Il n'y a pas ألف واللام. Il n'est pas معرفة. النكرة في سياق النهي ولا يشرك. En langue arabe, يفيد العموم. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Allah سبحانه وتعالى il interdit قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحد, أو هنا سي انفورماسيون ولا يشرك, في هذا الحال لو مو أحد سا انغلوب توت لي كرياتور. دونك ولا يشرك بعبادة ربه أحد كيل كو سوا سيت كرياتور, لو سولي ان اربو لا لون ان بروفيت ان ميساجي ان مور ان فيفون ان كرويون ان ميكريون اون ا با لو دووا دادوري اون كرياتور. قال وقوله اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا, هنا سنهي لا تشركوا سي انترديكسيون. قال عز وجل شيئا الى نكره. Quand on a une interdiction, لا تشرك, un nahi en langue arabe, il y a le mot la, hey, ne donnez pas d'associé. En langue arabe, quand tu as un nahi et tu as le mot, un mot nakira, vous avez remarqué, shay'an, il y a un tenouin à la fin, il n'y a pas d'alif ou lam. Ça, c'est min alamat nakira. Hey, il n'est pas ma'rifa, il est indéfini, disent en français. Fa'viyad al-hal, ce mot indéfini, ça devient une généralité qui englobe tout. فهنا شيء سانغلوب كوا سانغلوب توت لي كرياتور. واعبدوا الله, دونك لادوراسيون سي ريزيرفي الله, ولا تشركوا به شيئا. لماذا؟ لان سولوي كي ادور اوتر كو الله, فلا شك ان الى دوني ان اسوسي الله, دوني دي اسوسي الله سي انتردي. كي سيت اسوسي سو ان بروفيت ان ميساجي اون بيير ان اربو سي انتردي. قال شيئا اي شيء, اي n'importe quelle chose, tu n'as pas le droit. قال هذا نفي عام والمنفي نكرة والنكرة في سياق النفي تعم كل شيء. C'est cette règle qui est importante en langue arabe ou ulama al-usul كذلك il la cite. C'est important pour al-ahkam. Cette règle. قال رحمه الله, on peut citer كذلك قوله عز وجل وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احد. كذلك c'est la même chose. أحد إلى نكرة ولا تدعو سنهي يفيد العموم. ثم قال رحمه الله إذا فهمت ذلك فتأمل الألوهية التي أثبتها الله تعالى لنفسه ونفاها عن محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل وغيرهما أن يكون لهم منها مثقال حبة من خردل. هذا تقدم ولله الحمد. قال شيخ الفوزان الألوهية معناها العبادة, ومن هنا غلط كثير من في تفسير لا إله إلا الله وفسروها بغير تفسيرها ومن ذلك. C'est très très important هنا de comprendre le mot الألوهية. Ça veut dire quoi? Si on revient à la shahada, أي قول لا إله إلا الله, on a le mot إله. Vous avez remarqué, c'est la même base que الألوهية. الإله, c'est ذو الألوهية. الإله en arabe, c'est المألوه المعبود. الإله en arabe, c'est بمعنى مألوه. Et al-ma'louh, c'est le ma'boud, et celui qui mérite l'adoration. Si tu as compris ce mot essentiel dans la shahada, tu comprendras le sens. L'imam al-anna Cheikh al-Fawzan, hafidhahullah, il a cité plusieurs explications de certains groupes égarés, et ils ont contredit le vrai sens. L'imam al-annahum, ils n'ont pas fassra l'ilah bil-ulouhiyya. C'est pour ça que vous allez voir, certains ils l'ont expliqué par... Al-Rububiyya, d'autres parlent Wujud, etc. Donc, c'est un point important. La ilaha, il n'y a pas d'ilah. Al-ilah, c'est de l'ulouhiyya, celui qui mérite l'adoration. Illallah. Donc, ça nous montre le sens de la ilaha illallah. C'est personne ne mérite d'être adoré sauf Allah. Qala, Habidahullah, il a cité certaines explications de certains groupes égarés. Ils n'ont pas fait cette kalima avec les preuves du Coran et de la Sunna. بل ils les ont expliqué avec l'ignorance, avec les passions, عياذا بالله. قال رحمه الله تفسير أهل وحدة الوجود لكلمة التوحيد. Et هؤلاء, vous allez voir qu'ils ont expliqué هذه الكلمة بالكفر. هكذا celui qui s'écarte des textes. هكذا celui que Allah سبحانه وتعالى il ne guide pas. Et Allah il est juste. C'est le Hakim. Oula, ils se sont égarés, ils ont refusé la vérité, ils ont délaissé la voix du prophète, alayhi salatu salam. Ils ont expliqué Allahul Kalim, la parole la plus profitable, le témoignage le plus important, la base de l'islam, le premier pilier de notre dîn, et ils l'ont expliqué par de la mécréance claire. Qala rahimahullah, ou hafidahullah, ahlu wahdati l'wujud, ay ibn Arabi wa atba'u, min ghulat as-soufiyya. Ibn Arabi et d'autres, Ibn Arabi fait partie des têtes, haoula az-zanadiqa. Et yaqulun, la ilaha illallah, la ma'bouda illallah. أو لا إله موجود إلا الله معنى هذا أن كل المعبودات كلها هي الله انظروا انظروا الزندقة والانحراف لا إله إلا الله qu'est-ce qu'ils ont dit ils ont dit لا معبود إلا الله personne n'est adoré sauf Allah أو ils ont dit لا إله موجود إلا الله لا إله موجود أي il n'y a pas de divinité présente sauf Allah ça veut dire quoi هذا Ça veut dire que tout ce qui est adoré, c'est Allah. Et nous, on sait que certaines choses, elles sont adorées, mais batil. Certains, ils adorent des prophètes, d'autres, ils adorent des morts, d'autres, ils adorent des vaches, d'autres, ils adorent le soleil. Certains, ils adorent le shaitan. Est-ce qu'on peut dire que tous ceux qui sont adorés, c'est Allah ? Na'oudou billah. Qala Cheikh Al-Fawzan, لِأَنَّ عِنْدَهُمْ أَنَّ الْوُجُودِ لَا يَنْقَسِمْ بَيْنَ الْخَالِقُ وَمَخْلُوقِ لَا تَظُنْ Ne pense pas que Ha'oula, ils ont cité cette explication, عَنْ غَفْلَ Et à Naoum, ils ont dit une chose qu'ils ne comprennent pas. Là, ils avaient un objectif bien précis. C'est quoi cet objectif ? Ils ont une aqidahum, un al-wujud. Tu peux remplacer le mot wujud par al-khalq. Tu peux, non, par al-khalq. Ils font plus de différence entre al-khaliq ou al-makhlouq. Un al-wujud, la yanqassim bayna khaliq wa makhlouq. Al-wujud, non, par al-khalq, là, c'est pas assez précis. لأن عندهم الوجود ça, نعم ça englobe le khaliq et le makhlouq plutôt les choses qui existent نعم c'est plus précis les choses qui existent le wujud pour eux il n'y a pas de khaliq et makhlouq comme les croyants amma nahnu on sait que il y a un créateur azza wa jall il a des noms des attributs parfaits et il y a les créatures et عندهم là enfin qu'est-ce qu'ils pensent c'est quoi leur croyance قال هذا معنى أنهم أهل وحدة الوجود يجعلون الوجود يتحد ولا ينقسم كله هو الله pour eux les choses qui existent il n'y a pas de créature créateur là tout ce qui existe c'est Allah d'où le mot وحدة بعضهم ils disent وحدة الوجود أي l'unification de ce qui existe ce qui existe ça forme qu'une chose cette chose c'est Allah il n'y a pas de créature et créateur فمثلاً هؤلاء tout ce qu'ils voient pour eux c'est Allah. بل الزنديق من هؤلاء قال ما تحت الجبة إلا الله. Ils avaient cette عقيدة. الزنديق من هؤلاء من زنادقة الصوفية الغلاء il disait أن sous ce vêtement parlant de lui-même ابن عربي والحلاج هؤلاء من رؤوس الكفر والإلحاد il disait أن ما تحت الجبة أي en parlant d'eux sous ce vêtement c'est Allah. لماذا لأنهم إذا فسّت عقيدة وحدة الوجود ils faisaient plus la de différence entre créateur et créature. فلهذا pour eux quoi que tu adores. مثلاً ceux qui adorent des vaches, ceux qui adorent le soleil, ceux qui adorent des morts. Enfin pour eux ils adorent Allah. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend c'est Allah. عيّدًا بالله. بل تذكرون أن dans notre kalima sur هؤلاء notre série de cours sur les sectes on avait On avait fait un cours sur As-Soufiyya, Ha'oula Al-Ghula, et Ahad Ha'oula, quand il entendait un chien aboyer, il disait Subhana, Subhana Rabbi, ou Subhana Ilahi. Il entendait le chien aboyer, pour lui c'était Allah, Na'oudu Billah, min al-kufr wa zandaqa. Limada li anna wahdati al-wujud, même ce chien pour eux, il n'y a plus de différence avec Al-Khaliq. Qala, حفظه الله مهما عبد الإنسان من شيء فإنه قد عبد الله الذي عبد القبر والذي عبد الصنم والذي عبد الحجر والذي عبد البشر والذي عبد الملائكة كلهم يعبدون الله لأن الله هو الوجود المطلق الوجود المطلق أي il y a qu'une chose qui existe il y a qu'une chose qui existe pour eux c'est Allah tout ce que tu vois comme créature c'est Allah pour eux, ayyadan billah. قال والذي يقول ان الوجود ينقسم الى قسمين الى خالق ومخلوق يقولون عنه ان هذا مشرك. C'est ça la musiba. ان اهل الضلال وهكذا اهل البدع vu qu'ils se sont égarés dans certains points, quand السني صاحب الحق دي لا vérité, pour eux c'est un égarement. فهؤلاء quand ils entendent un croyant dire ان هناك خالق, il y a un créateur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des créatures. يقولون, les croyants, c'est des mouchrikoun. Vous associez à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi ? فَلَا يَكُونْ مُوحِدًا عِنْدَهُمْ إِلَّا مَنْ قَالِ إِلَّا الْوُجُودُ شَيْءٍ وَاحِدٌ هُوَ اللَّهُ. Et il se base sur قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلْ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. Donc eux disent قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. Allah, il est unique. Donc les choses qui existent, elles sont uniques. Donc toute chose est Allah. Si tu dis qu'il y a une deuxième chose, tu fais du shirk. نَعُوذُ بِاللَّهِ. قال فمهما عبدت من هذا الكون من كون نعم فمهما عبدت من هذا الكون من أشجار وأحجار أو أصنام أو طواغيت فإنك تعبد الله لأن هذا هو الله نعم فهذا c'est l'égarement de هؤلاء. Donc on répète, تأملوا l'égarement, أنهم ils se sont écartés de la voie des salaf, ils se sont écartés du Coran, de la Sunna قبل ذلك, et ils ont expliqué cette kalima azima, le premier pilier de l'islam, part de la mécréance claire. Ha'oula, ils sont akfar min al-yahoud wa al-nasara. Certains juifs et chrétiens, ils font la différence entre créateur et créature. Même s'ils font du shirk, même s'ils disent que telle créature c'est al-ilah, ils font après la différence. Ma'a shirkihim wa kufrihim. Ha'oula, ils ont atteint un niveau fi ad-dalal encore plus grave. Et ils se prétendent musulmans. Qala. وبهذه المناسبة فإنه يغلط بعض العوام يقول ولا معبود سواك ولكن لو قال لا معبود بحق سواك وهذا وافق قول وحدة الأهل وحدة الوجود فلو زاد كلمة بحق صح صحيح أن بعض العوام يديز en parlant d'Allah يديز ولا معبود سواك il n'y a rien d'adoré, il n'y a rien d'adoré à part toi. Alors هذا c'est خطأ, ça revient au قول هؤلاء. Pourquoi c'est une erreur? Il n'y a rien d'adorer à part Allah. Il y a des choses qui sont adorées autres qu'Allah. Certains, ils adorent des vaches, le soleil, le shaitan, des morts. Donc, Cheikh Fawzan, il a cité, il faut ajouter, « Wala ma'boud bihaq siwak ». Non, il n'y a pas d'adorer bihaq, en vérité, sauf toi, sauf Allah. Wa illa, d'autres, ils sont adorés bi-batil. « Qa li anna ma siwak ma'boud bil-batil. » Qa li anna... ما سواه معبود بالباطل قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Donc Allah سبحانه وتعالى dans ce verset من سورة الحج وهكذا في سورة لقمان بهذا le même sens, أن Allah سبحانه وتعالى il a fait la différence entre الذين يدعون الله et الدعاء c'est العبادة, ceux qui adorent Allah c'est une ibada bihaq. قال ذلك بأن الله هو الحق. Allah c'est le haq et c'est lui qui mérite d'être adoré bihaq. وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. Et ceux qui sont adorés autre qu'Allah, ils sont adorés bibatil. Al-batil c'est le faux. فهذا. Donc ça c'est le premier tafsir de ce groupe égaré Ahlu Wahdatil Wujud. ثم لدوزيم تفسير قال تفسير علماء الكلام لكلمة التوحيد. علماء الكلام هنا أي الأشاعر الضلال. قال علماء الكلام يقولون لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع والخلق والتدبير والإيجاد إلا الله. وهذا غير صحيح, هذا يوافق دين المشركين. قوله هذا غير صحيح ça veut pas dire que le sens de la phrase elle-même أي il n'y a pas de créateur sauf Allah, que c'est faux. N'a'oudou billah. Ça l'achète que c'est vrai. Lakin, expliquer la ilaha illallah par ce sens, c'est faux. Il n'y a aucun doute qu'Allah, c'est le créateur. L'unique créateur. Il est capable de tout. Lakin, est-ce que la ilaha illallah, c'est cela le sens? La, qala hada yuwafiq din al-mushrikin. Pourquoi? Parce que les mushrikoun, ils ont reconnu hada. Et malgré cela, ce n'est pas devenu des croyants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a combattus. Qala, si al-mushrik, pour donner plus de précision, si al-mushrik à l'époque du prophète alayhi salatu salam, il aurait compris que le fait de dire la ilaha illallah, c'est reconnaître Allah comme le créateur, il y a aucun mushrik ils n'auraient hésité à prononcer la parole. Lakin, quand ils ont su que ma'na la ilaha illallah, c'était le fait de délaisser les idoles, comme dans sourate Sad, قال الله عز وجل, en rapportant la parole des mouchriquins, أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ. Quand ils ont entendu da'wat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam de dire la ilaha illallah, qu'est-ce qu'ils ont compris, al-mushrikoun, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vu que c'était des arabophones, vu que c'était leur langue maternelle, ils ont direct compris min qawli la ilaha illallah. Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur disait qulu la ilaha illallah tuflihu. Ils ont compris min la ilaha illallah, donc la seule divinité c'est Allah, donc on doit les délaisser toutes nos divinités. Ils ont dit quoi? Ils ont dit aja'ala al-alihata ilahan wahida. Est-ce que toutes les divinités, il les a rendues une divinité et on doit adorer qu'une divinité et Allah? Ils ont dit inna hadha la shay'un ujab. Pour eux c'était quelque chose d'étonnant. Imadana, leurs parents, ils ont adoré les idoles, eux ils ont grandi avec l'adoration des idoles, ils n'ont pas accepté. Ça nous montre quoi? Ça nous montre anna ma'na la ilaha illallah, c'est délaisser shirk, délaisser l'adoration d'autres qu'Allah et adorer Allah seul. Amma expliquer la ilaha illallah par la khaliqa illallah, et il n'y a pas de créateur sauf Allah, ah, c'est pas sahih pour expliquer la ilaha illallah. Il n'y a pas de créateur sauf Allah et le créateur il mérite l'adoration seul. Naam. Amma haoula, ils ont délaissé tawhid al-uluhiyya. Qala fal mushrikoun yaqouloun la yaqdir ala al-khalq illallah, la yuhyi illallah, la yumit illallah, la yarzuq illallah, wa hadha tawhid al-rububiyya. Taqaddam ma'ana, on a déjà vu ensemble plusieurs adillah fil qa'id al-arba' et kadalik dans ce dars. Na'am, qul ben yarzuqukum min as-sama'i wal-ard, amman yamliku as-sam'a wal-absar, wa man yukhriju al-hayya min al-mayyit, wa yukhriju al-mayyita min al-hayy, wa man yudabbiru al-amr, fasayaqouloun Allah. Ils diront Allah. Qui c'est qui fait vivre les morts? Qui c'est qui donne la mort? Qui c'est qui fait vivre les morts? Qui c'est qui fait mourir les vivants? Qui c'est qui donne le risque des cieux, de la terre? Ils diront Allah. Malgré cela, c'est resté des mouchrikoun. L'imad, il y en a pour devenir musulman, il faut dire la ilaha illallah. Et la ilaha illallah, pour qu'elle soit valide, il faut adorer Allah seul et délaisser les idoles. C'est ça, din al-rusul. Donc ce tafsir, bitawhid al-rububiyya, il est faux. Troisième tafsir, qala tafsir la ilaha illallah inda al-jahmiya wal-mu'tazila. L'explication de la ilaha illallah inda al-jahmiya wal-mu'tazila. Al-nufa. Al-mu'attila, alladhina attalu al-sifat. قال وانصار على نهجهم هو نفي الأسماء والصفات لأن من أثبت الأسماء والصفات عندهم يكون مشركا والتوحيد عندهم هو نفي الأسماء والصفات. وهذا on l'a détaillé dans القواعد المتلى. عندهم le fait d'accepter, on détaillera pas la différence entre roulat al-jahmiya, entre al-mu'tazila. On résume, on a pour eux, si tu dis que Allah il a plusieurs noms et plusieurs attributs, pour eux c'est du shirk. Maintenant tu dis Allah, Al-Aziz, Al-Hakim, Al-Jabbar, voilà, c'était quatre noms. Pour eux ils disent c'est quatre ilahs, c'est du shirk. A'oudou billah min ad-dalal. Allah subhanahu wa ta'ala il est unique, il a plusieurs noms. Aoula, ils ont contredit les textes et la raison. Wa hakada as-sifat. Si tu dis qu'Allah il a des mains, un visage, de la science, etc. هذا pour eux يستلزم, ça implique تعدد القدماء, et plusieurs divinités. Enfin, pour eux التوحيد c'est de renier les noms et les attributs. Et certains من المعتزلة ils ont accepté les noms لكن sans aucun sens, مجرد الفاظ, et ils ont rejeté les attributs. هؤلاء c'est des ضلال. On a expliqué هذا كثيرا dans les دروس de عقيدة et كذلك la série de cours sur les sectes, la secte de الجهمية et كذلك de المعتزلة. Quatrièmement, tafsir al-hizbiyyin wal-ikhwaniyyin al-yawm. Al-hizbiyyin, ay ahlul tahazzub. Al-ikhwaniyyin, al-ikhwan, ay al-ikhwan, al-muslimin, al-tullal. Ha'oula, tahazzabu. Ils ont délaissé le haq. Ils se sont entêtés à suivre leur guide, leur alliance et leur désaveu. Wala'uhum wa bara'uhum. Il est par rapport à leur groupe égaré, par rapport à leur mashayikh. Ha'oula, ils se sont égarés fi hadha al-bab. Fi tafsir la ilaha illallah. Et yaqulun la ilaha illallah ay la hakimiyata illallah. Wal hakimiyya kama yusammunaha juz'un min ma'na la ilaha illallah. Li anna ma'naha shamilun li kulli anwa' al-ibadah. Al-hakimiyya, c'est le fait de juger par les lois d'Allah. Le jugement, il appartient à Allah. Donc, al-hakimiyya, c'est l'illah. Et al-hakimiyya, ça peut être min tawhid al-rububiyya. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui possède al-hukm. Lahu al-hukm wa ilayhi turja'un. Et al-hakimiyya, ça peut être min tawhid al-ibada. Nous, on doit juger par les lois d'Allah. Et juger par les lois d'Allah, c'est une adoration. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَابِرُونَ. Dans l'autre verset, هُمُ الظَّالِمُونَ. Dans l'autre verset, هُمُ الْفَاسِقُونَ. Si tu as compris c'est quoi l'hakimiyya, فَمَاذَا قَالُوا. Ils ont dit la hakimiyya illa lillah. C'est ça le sens de la ilaha illallah. Alors que l'hakimiyya, par rapport à tawhid al-uluhiyya, c'est une adoration jugée par les lois d'Allah. Ils ont expliqué la ilaha illallah par une adoration. Et les autres adorations, as-salat wa ad-dhabh wa ghayr dhalik wa al-hajj wa at-tawaf. Enfin, pourquoi limiter le sens de cette kalima azima à une adoration? Qala Cheikh Fawzan, fa naqulu lahum wa ayna baqiyat al-ibadat? Ayna ar-ruku' wa as-sujud wa ad-dhabh wa an-nadhr wa baqiyat al-ibadat? Cheikh Fawzan qala, limadha vous avez limité cette kalima à une adoration al-hakimiyya jugée par les lois d'Allah? Et les autres adorations, تعلمون لماذا ils ont limité? لأن هؤلاء الحزبيون الإخوانيون الخوارج الخوارج القطبيون تبع سيد قطب الضال المضل عندهم leur تحزب leur sectarisme il les a poussés à s'attaquer aux gouverneurs musulmans. Et vu que certains gouverneurs musulmans ils ne jugent pas par les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, فعندهم le fait de ne pas juger par les lois d'Allah, forcément c'est du kufr. Contrairement au sunni qui a un tafsil en se basant sur les preuves du Coran, de la sunna. كذلك أقوال أهل العلم أن si ce savant il juge par autre que les lois d'Allah, لكن il admet son erreur et il sait qu'il est fautif, لكن il juge par les lois d'Allah par faiblesse, par pression, il a akhiré, ça reste un musulman et ce qu'il fait c'est très très grave. لكن هم ils n'ont pas ce tafsil. Donc pour eux, si tu juges par les lois d'Allah, t'as forcément contredit la ilaha illallah. Et ils en ont fait le sens de la ilaha illallah. Et hada c'est min ad-dalal. Autre chose, c'est pour cela que haoula, ils combattent les gouverneurs, là qui ne combattent pas shirk al-mushrikin. Vous avez remarqué que haoula, bal min al-ikhwan al-muslimin, il y a des soufis, il y a des rawafid. Et soufis et rawafid, ils sont connus pour shirk. Wa la yunkirun alayhim. Eux, pour eux, c'est mettre en garde contre le gouverneur. Rendre mécréant le gouverneur, c'est ça tawhid. Pour eux, c'est ça, ma'na la ilaha illallah. Et ils ont délaissé tout le reste. Faliyada, ils donnent aucune importance à da'watu al-ulama, qui est fondée sur tawhid, et qui est fondée sur le suivi du prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam. Qala, hal al-ibada hiya al-hakimiyya faqat? Iza kana ma'naha indahum al-hakimiyya faqat? Wa ayna ma tanfih min anwa' al-shirk? Ya subhanallah. Sahih. Et si on qadr que wahid, il juge par les lois d'Allah. Lakin, il fait du shirk dans autre chose, qu'est-ce qu'on va dire? Hadha al-kalam, il n'est pas sahih. La ilaha illallah, ça englobe jami' al-ibadat. Qala azza wa jalla la ilaha. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas dit la hakima illallah dans le témoignage. Là, il a dit fa'lam annahu la ilaha. Wal ilaha, ça englobe al-uluhiyya, al-ibadat, et toutes les adorations. Que ça soit jugé par les lois d'Allah ou autre, le sacrifice, la salat, etc. Qala. On doit faire attention. On vit à une époque où هؤلاء الحركيين الحزبيين الإخوانيين التكفيريين الخوارج leur da'wa s'est répandue. On doit craindre Allah. Faites attention, ya ikhwan. هذا الباب c'est un باب خطير. On doit apprendre notre عقيدة التوحيد, l'explication de la ilaha illallah, et on doit apprendre qu'adalik un point important, c'est comment se comporter face au gouverneur. On doit faire attention à l'hawa. بعض الناس c'est l'hawa yunkir عن الحاكم parce qu'il ne juge pas par les lois d'Allah. Et ربما un de ses proches il fait du shirk, il adore autre qu'Allah, il sacrifie pour autre qu'Allah, la yunkir عليه. لماذا لأن الهوى لأن son cœur il est tombé malade et il voit que le mal des gouverneurs et il ne voit plus le shirk des autres. Ça, c'est min al-hawa. Et kadalik, le gouverneur sunni, il a une mu'amala ma'ah. C'est pas tout le monde qui peut le conseiller. C'est pas tout le monde qui a accès. C'est pas tout le monde qui comprend ces choses. Faliyada, on doit craindre Allah. Et le gouverneur, tant que c'est un gouverneur musulman, tant que c'est un musulman, Même s'il fait des péchés, même s'il fait du mal, ça reste un musulman, on doit avoir un comportement ma'ah. On n'a pas le droit de le critiquer en public. On n'a pas le droit d'appeler à la rébellion. On n'a pas le droit de suivre hakada la vague. La plupart des gens, ils ont un fil hukam al-muslimin. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas hadhihi al-dhawabit al-sunniyya. Ils suivent pas hadha al-manhaj al-rabbani, la voie du Coran et de la sunna. Et inshallah, après cette risala, normalement, on essaiera d'étudier ensemble une risala sur ce point, sur les gouverneurs. La risala de Cheikh Abdissalam Ibn Barjas, na'am, rahmatullah alayhi. Inshallah. قال لأن هذه الكلمة عظيمة هي المنجية من النار لمن حققها وكل الدين ينبني عليها من أوله إلى آخره ودعوة الرسل والكتب المنزلة كلها مبنية على هذه الكلمة. نعم. Donc on doit donner de l'importance. C'est la base de notre dîn. Et vous avez remarqué que beaucoup de gens ils se sont égarés في معنى هذه الكلمة. Et nous, on n'est pas à l'abri, on le répète, donc on doit faire des efforts pour apprendre le sens, pour connaître le sens. Avec l'adillah, pas une simple lecture, là. Adil kalima, on doit l'étudier. Essayer d'apprendre l'adillah par cœur, essayer de lire kalam ulama, connaître ceux qui l'ont contredit, pourquoi ils l'ont contredit. Comprendre cette risala qu'on lit ensemble. Celui qui comprend cette risala, fafiha fawaid kathira. Et kadalik propager. Que ce soit sous forme de traduction, que ce soit sous forme de nasiha à nos proches. Leur montrer. Il y en a, c'est la base de l'islam. Nos proches musulmans, ils disent tous la ilaha illallah. Lakin, est-ce qu'ils comprennent tous la ilaha illallah? Nous, notre rôle, c'est ça, ne pas délaisser ce point essentiel et s'attarder sur d'autres points beaucoup moins importants. Ben, tous les autres points, ils seront moins importants que celui-là. قال خامسا تفسير أهل السنة والجماعة أن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. لأن المعبودات كثيرة ولكن المعبود بحق هو الله وحده لا إله إلا الله الآلهة كثيرة الآلهة c'est ceux qui sont adorés بباطل كثيرة قال لأن المعبودات كثيرة beaucoup de choses sont adorées. On le répète, certains ils adorent le soleil, certains des saints, certains des morts, certains shaitan, certains des arbres, certains des prophètes. لكن المعبود بحق هو الله وحده لكن celui qui mérite l'adoration c'est Allah seul. قال وما سواه فعبادته باطلة كما قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Dans ce verset il est clair أن ما يدعى من دون الله ما يعبد من دون الله فيعبد بباطل. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala il est adoré بباطل. Et ce n'est pas une adoration authentique, acceptée, correcte. Belle, c'est de la mécréance. Et celui qui mérite l'adoration seul, c'est Allah. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْحَقُ. Et في حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. Ça, c'est حق الله. C'est le droit d'Allah sur tous les créatures, sur tous les serviteurs. أن يعبدوه, ils doivent l'adorer, ولا يشركوا به شيئا. Personne n'a le droit d'associer à Allah subhanahu wa ta'ala. لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا حي ولا ميت. Personne. On doit mettre chaque chose à sa place. العبادة c'est un حق لله. أما les créatures, enfin ça dépend de la créature, le حق est là. مثلا notre prophète صلى الله عليه وسلم, il a un حق عظيم. On doit l'aimer plus que nous-mêmes, on doit le suivre, c'est lui qui a reçu la révélation. Jibril est un haq azim, on doit l'aimer, on doit le respecter. C'est lui qui faisait descendre la révélation bi-idnillah azza wa jal au prophète Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Ouais, quand nos parents ils ont un haq, les gouverneurs ils ont un haq. Ouais, chacun a sa place. Amma al-ibada fa c'est haqqullah azza wa jal wahdahu la sharika lah. Naktafi bihada walhamdulillah. Révisez hada al-kitab. هذا الكتاب أنصح إخواني c'est pas une simple lecture ou c'est pas une simple écoute. Là, révise أخي الكريم, résume ce que tu peux résumer, prends des notes, apprends الأدلة. Et on conseille à nos frères d'apprendre Kitab Tawhid pour ceux qui ont la force. Ceux qui n'ont pas la force d'apprendre Kitab Tawhid, ils apprennent القواعد الأربع ou الأصول الثلاث ففيها خير عظيم في التوحيد. Apprenez يا إخوان, mémorisez. Ça prend pas beaucoup de temps. Il y a un ajr azim, mais c'est ça l'ilm. Kadhalik, réviser hadha al-kalam. On n'aura pas toujours le livre avec nous. Ces choses, on doit les avoir dans le cœur, on doit les mettre en application, connaître les conditions, connaître les annulatifs de hadhihi al-kalima. Na'am, c'est très très important. C'est ça l'ilm, un effort. L'ilm, ce n'est pas qu'une écoute. On écoute, on a une lecture. Là, ça c'est une partie du ilm. Lakin, ça demande de la révision. Celui qui n'a pas compris, il demande qu'adalek l'entraide entre frères. Anna, celui qui n'a pas compris et son frère, il a plus compris, il lui explique. Wa hakada. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq lil jami'.